Que des musiciens autrefois venaient pleurer le temps perdu à s'écouter chanter, et un oiseau s'envolera par la porte fracturée. Et le soleil mécanique sans